Chapitre 35. Les deux qui sont morts. J'accusais le curé à tort. Aujourd'hui même, j'ai reçu sa visite. Mais cette visite ne produira pas l'effet que l'excellent homme en espère, car il voulait me faire renoncer au trésor et n'a réussi qu'à me rendre plus certain de son existence. J'étais dans ma chambre, en train de paperasser, quand, m'approchant de la fenêtre, j'ai aperçu l'abbé Sem qui, discrètement, comme s'il avait eu peur d'être épié, sortait par la petite porte du presbytère, regardait la tour et se dirigeait de mon côté. Pendant la demi-heure qui précède la fin du jour, rue et ruelle sont désertes. Dans leur maison, dont le toit fume, les femmes enfermées préparent le repas du soir. Les hommes ne rentrent pas encore des champs. L'abbé Sem pouvait venir chez moi sans rencontrer personne. Après quelques instants, on frappe. C'est l'abbé, visiblement ému et gêné. Il s'essouffle pour deux misérables étages. Lui qui gravissait sans perdre haleine les plus escarpés raidillons et son chapeau, pétri à deux points, prend des formes extraordinaires. Je lui offre, pour le mettre à l'aise, un verre d'eau-de-vie de myrte. Il s'assied, nous trinquons. Alors seulement il ose parler. « Et dire, s'écrie-t-il, que par la faute de Gantôme, deux hommes qui s'aiment et s'estiment en sont réduits à ne plus se voir. Ce début m'étonne. Pourquoi donc ne nous verrions-nous plus, mon cher abbé, et dans tous les cas, qu'est-ce que l'ingénieux Gantôme peut avoir à faire en cela ? Gantôme ? Mais vous ignorez donc son dernier exploit ? Vous ne savez pas que, devenu le disciple du vieux Peu Parle, et partageant toutes ses folies, il a essayé avant-hier d'évoquer le diable à minuit dans un carrefour. Ne dites pas non, je l'ai surpris, debout, le grimoire à la main, au milieu d'un rond, entre trois cierges. Je descendais, mon clergeon, éclairant le chemin avec la lanterne du mas des Truphémus, où j'étais allé porter le bon Dieu. Gantôme criait, se démenait. Et le diable n'est pas venu ? Non, mais au seul aspect de mon ombre, au seul aspect de la lanterne, Gantôme prit de mâle peur à laisser là ses cierges et courut jusqu'au village. J'avais recommandé au petit clergeon de se taire. Malheureusement, il a bavardé et est déjà compromis comme chercheur de trésors. Vous voilà en train de passer pour sorcier, grâce à Gantôme. Au four, au lavoir, à la fontaine, partout où se trouvent deux commères, il ne s'agit plus que de vous. Et de moi aussi, hélas, car ayant essayé de vous défendre, les gens me soupçonnent déjà d'être du noir complot, ourdi par vous, contre la chèvre d'or. » L'abbé riait, mais tout à coup devenu grave. « Écoutez, ajouta-t-il, par mon caractère, par ma robe, je suis responsable de la paix du village, et les choses qui s'y passent depuis quelques jours m'ont douloureusement affecté. Je ne vous accuse pas. Je m'accuse. J'aurais dû me taire au sujet de l'inscription de l'ermitage. J'aurais dû vous tenir caché le livre de raison des Gazans. Mais puisque c'est fait, le mieux sera que vous sachiez tout. Je ne dirai pas dans votre intérêt, mais dans l'intérêt de Monsieur Honorat, dans celui de Mademoiselle Norette. Partez, renoncez à la chèvre d'or. Vous reviendrez plus tard. Après 6 mois, 1 an, quand les préventions auront disparu, quand les colères seront apaisées, vous avez le droit, sur des espérances peut-être chimériques, de risquer votre tranquillité, non celle des autres. Or, Galfard est capable de tout, et un crime ne se prévient pas. Je voulus interrompre l'abbé, mais il avait pris le livre de raison parmi mes papiers sur ma table. Si vous saviez, toujours la chèvre d'or a attiré quelques malheurs sur la demeure des Gazans. C'est pour cela qu'ils n'en parlent jamais et que personne ne leur en parle. Bien des pages, vous avez dû le remarquer, manquent à ce livre. C'est moi-même qui, à la prière de Madame Honora expirante, les ai toutes arrachées et brûlées pour faire disparaître les dernières traces d'un drame presque oublié aujourd'hui, mais dont le sanglant souvenir s'éleva longtemps comme un mur de haine entre les Galfards et les Gazans. Toutes les pages? Non. Avant de me confier le livre, Madame Honora, de ses mains tremblantes, se faisant aider par Norette, qui pouvait avoir 12 ans, en déchira une qu'elle garda. Peut-être contenait-elle le secret du trésor. Peut-être Mademoiselle Norette la possède-t-elle encore. Peu importe. Ce sont là secrets de famille qu'il ne m'appartient pas de pénétrer. Mais en présence de l'aventure où vous paraissez vouloir vous engager, j'ai le devoir de vous faire connaître, comme exemple, l'événement tel qu'il était relaté sur les pages par moi détruites. Vers l'année 1500, deux frères, deux Gazans, se trouvèrent en rivalité pour épouser leur cousine, qui était une Galfard. Non qu'ils l'aimassent, elle était, il est vrai, admirablement belle. Mais, aussi pauvres l'un que l'autre, s'étant ruinés, l'aîné a fait ses caravanes sur mer, l'autre dans les tripots d'Avignon, sous prétexte d'étudier la médecine. C'est surtout le secret du trésor qu'il désirait d'elle. Aucun ne voulait céder, ils se querellèrent, et le cadet souffleta l'aîné. Puis, sans que personne ne les vît, un soir, tous deux Caïn, tous deux Abel, ils allèrent dans la montagne, du côté de la chapelle que déjà un ermite gardait. Au milieu de la nuit, l'ermite crut rêver que quelqu'un frappait de grands coups à sa porte et s'éveillant, il entendit crier « Au secours, j'ai tué mon frère !» Alors, étant sorti, il vit à la clarté des étoiles, dans l'herbe du cimetière, un jeune homme étendu, dont un cavalier, plus âgé, mais lui ressemblant singulièrement, soutenait la tête. Comme le jeune homme se mourait, l'ermite le confessa. Et quand le jeune homme fut mort, le cavalier, qui se tenait debout, appuyé au mur, dit « Mon père, il est grand temps que vous me confessiez aussi. » Alors l'ermite, se retournant, vit sur son pourpoint ensanglanté le manche d'un long poignard qu'il s'était planté dans la poitrine. Et quand il fut confessé, le cavalier retira la lame et se coucha dans l'herbe, à côté de son frère, dont il baisait en pleurant les cheveux et les yeux. Le matin, au moment de les ensevelir, on les trouva enlacés si étroitement que, pour séparer leurs cadavres, il aurait fallu briser les os des bras. On les mit ensemble, sans cercueil, dans la même fosse, et une messe fut fondée pour l'âme des deux qui sont morts. C'est après-demain, jour anniversaire, conclut l'abbé en se levant, que je célèbre cette messe. J'y assisterai dévotement avec Gantôme, afin qu'on cesse de nous croire sorciers. Vous ne partez donc pas? Non, certes, même après cet émouvant récit. À votre volonté, mais il n'est pas prudent de tenter Dieu. Fin de la 7e partie de La Chèvre d'or de Paul Arène.